Un pauvre travailleur, tout couvert de factures, prenait chaque matin le chemin du labeur. Le dos courbé, la mine blême, démuni d'envergure, son destin s'appelait martelage et sueur. Il était condamné, bien avant sa naissance, aux durs travaux ingrats, pénibles et salissants. Il n'avait d'autre choix pour nourrir ses enfants que mouiller sa chemise et retrousser ses manches. En voyant son patron nager dans l'opulence, il lui vint une idée, celle, à son tour, de vivre du travail des autres, avec la récompense du profit des efforts récoltés sans vergogne. La décision fut prise. Travailler à son compte. Son appétit d'argent et ses malversations le menèrent très vite et sans la moindre honte au niveau tant envié de son ancien patron. La morale de l'histoire est qu'il n'y en a guère dans un monde pourri où le pire est admis. À trop aimer l'argent, la dignité se perd. Mais en manquer de trop, ne doit être permis.